Eh bien, c'est parti. Donc, je suis avec toi, Zach. Je suis vraiment très heureux de te recevoir pour ce premier épisode du podcast que je viens de créer. Merci pour ma voix. Ouais, mais je suis vraiment content de commencer avec toi cette aventure parce que, en plus, je crois savoir que tu écoutes pas mal de podcasts en anglais. Ouais. T'écoutes quoi en anglais là? The Rugby Pod. Ah ouais? J'habite avec Dave et elle adore le Rugby Pod. Donc, D'accord. Et ça on a sort? écouté toujours. Ça sort chaque semaine? Ouais. C'est très marrant, c'est Ouais. gentil, ouais, on adore. Et c'est un peu différent du podcast que je vais essayer de faire. C'est comment qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas, je crois que c'est pas très célèbre en France Non. pour le podcast, mais en Angleterre, il y a beaucoup de podcasts. Oui. Et beaucoup de monde écoutait tous les podcasts de sujets différents. Oui. Mais je crois oui qu'en France, c'est un peu moins connu ou moins ancré comme pratique qu'aux États-Unis ou qu'en Angleterre. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça va venir. Je Ouais. pense que ça va venir dans nos coutumes, notamment grâce à, même sur le portable, il y a beaucoup d'applications de Ouais. podcasts. Mais ils ont juste célèbre dans les derniers 12 ans, je Ouais. crois. Peut-être une année. C'est pas un Qu'est-ce long qu'ils ont temps. fait pour être célèbres? Je sais pas, Ouais. peut-être social media, je sais Ouais. ça. Je sais pas, il y a beaucoup de parler maintenant Oui. avec Trump et des choses comme ça. Je crois Ouais. que beaucoup de monde veut le podcast. Ok, donc du coup, ouais, moi j'écoutais un peu Rugby Pod, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est une émission où ils rigolent beaucoup sur le rugby et ils parlent beaucoup du rugby anglais pour le coup. Donc, moi, l'émission que je vais essayer de créer, c'est des interviews avec des joueurs ou avec des personnes passionnées par le rugby. Donc, je commence avec toi, j'en suis ravi. On va peut-être commencer par parler de ton cursus rugby. Ouais. D'où tu viens, quand est-ce que tu as commencé le rugby, que tu te présentes aussi à tous les futurs auditeurs de cet épisode. Bon, j'ai joué au rugby depuis j'avais 14. J'étais très jeune. Et j'ai joué le foot et le rugby aussi, en même temps, Ouais. toute mon vie. Et j'ai joué pour un petit club, pour commencer. Mais quand j'étais 12 ans, j'étais avec l'espoir de Harlequins, Oui. dans le premier niveau en Angleterre. À 12 ans? 12 ans, Ah ouais? oui, ça s'appelle le School of Rugby, l'école de rugby. Oui. Ça commence à 12 ans. D'accord. Et j'ai fait ça jusqu'à 16 ans. Et après ça, j'étais à un collège de Hurstpierpoint. Point. C'est D'accord. un collège de. Je joue rugby beaucoup là, c'est un très bon D'accord. collège. Et Il faut être après. recruté pour rentrer dans ce collège-là? Oui, c'était Oui. ça, un scholarship. C'est D'accord. le même mot en français. Non, on n'a pas ça, nous. Scholarship, c'est. On paye pour toi pour faire D'accord. les études pour jouer au rugby Je sais là. que ça se fait en Afrique du Sud aussi. Oui, je sais là. Mais nous, en France, non. Nous, quand tu as 15 ans, les meilleurs joueurs, ils rentrent dans la structure fédérale. Ouais, et tu Voilà. fais l'école aussi? Oui. Ouais, c'est Tu fais ça. le rugby le Parce soir. que c'est le même en, comme des Américains encore. États-Unis. Les États-Unis, Oui. c'est comme avec la NFL, Oui, l'université, c'est ça. tu fais ça. Mais j'étais là, je joue beaucoup le rugby, et après ça, j'étais à l'université de Bath. Je Oui. suis allé à l'université de Bath, et j'ai joué avec ça s'appelle la A-League. C'est la deuxième équipe de Bath. C'est les jeunes? C'est pas le jeune, C'est c'est la comme. réserve. Oui, c'est la réserve, c'est ça. Et s'il y a quelqu'un qui est blessé dans la première équipe, je joue dans la deuxième équipe. Ok. J'étais avec l'Angleterre University. J'ai Ouais. joué contre France, mais on a D'accord. perdu. Ah Ils étaient plus grands que nous, ouais? plus grands. Ils étaient D'accord. énormes. Et aussi, j'ai fait beaucoup le rugby 17. D'accord. Quand j'avais 18 ans, 18, 11, Oui. je pensais que le rugby 7, c'est pour moi. Mais D'accord. maintenant, je joue le 15. Et pourquoi c'est pas pour toi alors? Je sais pas, j'avais beaucoup d'opportunités dans le 15. Oui. Mais encore, je préfère le rugby 7. Ok. C'est plus entertaining, Oui. c'est plus vite, il y a plus d'espace pour moi. Oui. J'adore ça. Mais j'ai joué juste avant que je sois venu à Rouen. Oui. J'ai joué dans le champion du monde Oui. pour le rugby 7 de l'université. Et j'ai D'accord. joué contre France et on avait gagné. Ok. Et j'ai joué contre Matthew Ford. Ah, qui Elle était était là. en équipe de France? Ouais, elle était là. Mais on avait gagné, Oui. donc on a le chambrage maintenant Oui, aussi. du coup, Mathieu, c'est un joueur de l'équipe de Rouen Ouais. qui est anglais et qui est arrivé en France à l'âge de 11 ans avec ses parents. Mais on a dit qu'elle est française. Voilà. Mais lui-même, je pense qu'il ne sait pas ce qu'il est, quoi. Il est peut-être citoyen du monde au final. Et du coup, est-ce que tu as eu ta chance en équipe première à Basse? Non, pas de chance. Quand j'ai fini avec l'université, oui. On me dit qu'on ne garde pas. Okay. On te garde pas. Oui, on te garde pas. On te garde pas. Donc, je cherche pour les options. J'avais 3 offres dans la deuxième division en Angleterre. Oui. Une petite opportunité avec le rugby 17, mais c'est avec l'espoir de rugby 7. Oui. Il n'y a pas d'argent. Tu habites avec tes parents. Oui. Tu joues pas dans le tournoi. D'accord. Tu juste fais l'entraînement pour une année. Je pense ça c'est pas bon. Ouais. Tu as besoin de jouer le rugby. C'est vrai. Et mon entraîneur à Bath, on connaît bien Richard Hill. Ok. Et elle a dit je peux demander lui s'il a une opportunité pour toi en France. Et après ça, on me donnait un off. Oui. Contract. Et après ça, c'était une décision facile, je crois. Oui. La deuxième division en Angleterre, c'est. Il pleut tout le temps, oui. Il n'y a pas beaucoup d'espace, on concentre sur la conquête toujours. D'accord. Et pour moi, j'adore jouer là, oui. Un peu comme un feu. Oui. Donc c'était une décision facile après ça pour venir en France. Et tu es arrivé à 22 ans du coup en France? J'étais 21. 21? Oui, j'avais 21. Ok. Et c'était mon premier contrat de professionnel. Oui. Et c'était énorme. La première okay. année, la deuxième année, énorme, oui. Mais la première année pour jouer professionnel, oui. Rugby professionnel, énorme. Et du coup, tu dis que la deuxième division anglaise était beaucoup sur le combat, la conquête, mais c'est quand même aussi, nous les Français, l'image qu'on a de la Fédéralune, notre troisième championnat. Est-ce que tu as trouvé que c'était un championnat cool, du coup, ou un championnat dur? Oui, je pense que la saison dernière, c'était un peu bizarre parce qu'il était. On avait l'équipe. Professionnel oui. Comme nous, mais aussi on a joué contre l'équipe comme Lombez Saint-Martin qui n'est pas professionnel et ils cherchent un peu de bagarre. Oui. Et, mais saison dernière, c'était, ça m'a plu parce qu'il a été beaucoup d'espace. Oui. Et aussi, j'adore l'ambiance en France. Oui. C'est la troisième division, oui. Mais par exemple, il y a 2 jours, on avait 8000 dans la tribune et quand j'ai fait le coup de pied, roast beef, les choses comme ça, c'est énorme, j'adore ça. Mais en Angleterre, dans la deuxième division, il y a peut-être 2000 d'accord. maximum dans la tribune. Ouais, et je crois que le rugby en France, ouais, pour moi, oui. c'est la troisième division, mais il n'y a pas beaucoup de structure. Tu peux jouer n'importe quoi. D'accord. On a regardé cette saison, c'était. Je pense que c'était Clermont oui. contre Wasps d'accord. ou quelque chose comme ça. La Rochelle. La Rochelle, c'était La Rochelle là. Oui. Et La Rochelle, elle a gagné et elle a fait juste la offload, n'importe quoi. Sound, retour, petit coup de pied. Ouais. Des fois, c'est pas bon, mais des fois, tu peux gagner. Et quand ça marche, c'est énorme. Quoi. Et c'est énorme. Oui. Je préfère ça. Je pense en Angleterre, je joue 10. Oui. Et en Angleterre, l'entraîneur me dit que. Reste dans la structure, tu n'as jamais fait ça, jamais fait le petit coup de pied. Oui. Pourquoi tu as fait ça? Mais ici, tu es plus libre, je crois. Okay. Tu peux faire un peu plus le jeu libre. D'accord. Ça correspond peut-être un peu à l'idée du French flair qu'on a. Oui, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est une vraie chose. Au final, c'est pas de structure, quoi. Oui, exactement. Voilà. Et aussi, je crois que toute l'équipe en France, pour moi, ils sont différents. On joue contre. On a joué contre Provence oui. et on analyse. Et c'est très différent que quand tu joues contre Bourg-en-Bresse, oui. Tarb. C'est vrai. C'est très différent. Mais en Angleterre, c'est, je crois. Pareil ça. Ah ouais. Ouais, ils ont similaire. Ok, ah, c'est intéressant. Ouais. C'est très, pour moi, rugby France, rugby anglais, c'est très différent. D'accord. Peut-être pas dans le premier niveau, je sais pas, parce que j'ai jamais joué dans le premier niveau. Mais... Donc, mais deuxième div anglaise et troisième div française, il y a une différence. Ouais. Et j'ai regardé beaucoup le Pro Leader, mon frère, je joue dans la deuxième division en Angleterre. Et c'est très, très différent. Ah ouais. Ouais. La deuxième division dans France et Angleterre. C'est mieux ici. Très mieux ici. Ah ouais. Très mieux ici. Mais du coup, on va parler de ton futur. Tu vas rejoindre Nevers là. Ben, c'est le dernier jour à Rouen pour toi avant de partir pour Nevers d'ici 2-3 semaines ou un mois. Alors, c'est quoi tes attentes? C'est quoi? Tu dois être très excité avant de rejoindre ce club? Oui, je suis excité, mais pour maintenant, j'ai besoin d'un peu de repos. Oui. Parce que mon corps, c'est fini. Oui. J'ai mal. Oui, après une longue saison. Oui, ouais, donc j'ai un mois juste pour les vacances, traîner au bois avec mes amis en Angleterre. Mais après ça, je suis très excité pour commencer avec un club de Pro League 2. Je pense que j'attends plus le professionnalisme, oui. Je crois. Parce qu'ici, c'est professionnel. Mais je crois que juste day to day, chaque oui. jour, le professionnalisme sera plus. La rigueur. Oui, c'est ça. Oui. Et le, juste pour exemple, plus le kiné, plus oui. Les choses comme ça, plus oui. l'analysis. Le, mais je suis excité d'aller à beaucoup de bons stades, oui. C'est la télé, c'est, tu vas jouer contre et avec les joueurs ouais. très célèbres, les joueurs énormes. J'ai visité deux, trois clubs en Pro League 2. Oui. Mais Nevers, c'était une décision facile parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Oui. On a un bel projet, on a ça, on a ça, on a ça. Mais quand je suis allé à Nevers, j'ai vu. Oui. C'est pas besoin de parler. Oui. Oui. Et la maison dit rien parce que c'est déjà là. C'est évident. Quoi. Et c'est évident. Ouais. Oui, je suis excité pour ça. Ok. Et tu connais déjà des joueurs là-bas? Non, pas encore. Je connais un mec qui était là la saison dernière, mais il n'est pas là encore. Neuf, JB. D'accord. Il va jouer à Leeds maintenant. D'accord. Deuxième devine. Mais après ça, je ne connais pas. Ok. Je ne connais pas son, mais. Mais du coup, tu as l'avantage de parler français pour bien t'intégrer. Oui, je crois que ça c'est important parce oui. que. C'est un club vraiment français, je crois. Oui. Et le ville aussi. C'est, oui. C'est, Rouen, c'était un bon début pour moi en France parce oui. qu'il y a les anglais, il y a le français. Donc j'ai appris le français. Oui. Mais aussi, j'ai parlé beaucoup anglais avec les anglais, les entraîneurs. Mais la saison prochaine, il faut parler vraiment français toujours, je crois. Donc, c'est ça. Bon. Et mais du coup, toi, ça a été une volonté de ta part d'apprendre vite le français lorsque tu es arrivé à Rouen il y a deux saisons? Oui, je crois que ouais, c'est très important. Je pense si vous êtes en Angleterre, oui. tu as besoin de parler anglais. Oui. Il n'y a pas d'option. Donc, c'est vrai. Quand, si j'arrivais ici et j'ai parlé juste anglais, je pense que ça c'est nul. Mm. Donc, on avait une course. Un cours, une fois par semaine oui. avec l'infamous Jean-Pierre. Oui. Le bon mec. Et oui, on a continué avec ça pour 2 ans. Et oui. maintenant, je suis content parce que je parlais un peu de français. C'est oui, pas, oui, très très très, très bien. Hein. C'est pas parfait, mais. Oui. Bon. C'est pas long, hein, quoi. Ouais. Ouais, c'est très bon pour le club pour nous donner le corps. Oui. Parce que c'est important, ça. Ouais. Ok. Et. Donc tu nous as parlé de comment tu trouves le rugby français et les Français en les joueurs de rugby français, tu les trouves comment? Bah ils ont un nom. Ouais. L'équipe ici, le français, ils ont un nom. Oui. Ils adorent le fait. Oui. Ça c'est un peu de moi ça. Je sais. le chambrage. Le... Oui. Je pense il n'y a pas beaucoup de différence de les joueurs anglais, les joueurs français. C'est le mec qui joue rugby, ils adorent le fait après le c'est match. Vrai. On se travaille ensemble. Je pense qu'on a beaucoup de temps libre. Oui. On ne peut pas faire un entraînement tous les jours parce que ça fait mal. Donc, après un entraînement, avant un entraînement, quand on joue le ping-pong, c'est oui. le chambrage, c'est très amusant. Oui. Et y a une chose qui t'a surpris quand tu arrives en France par rapport aux Français ou par rapport à notre manière de penser? Avant, je suis venu en France, je pensais. Oui. Il y a le soleil toujours, oui. mais en Normandie, c'est pas vrai. C'est comme ouais. Angleterre ici, c'est froid, il pleut tout le oui. temps. non, c'était... Avant que je suis venu en France, j'avais pas d'idée. C'est quoi la France? Parce que... Ouais, je pense qu'il n'y a pas... En Angleterre, c'est travail. D'accord. Mais en France, c'est plus léger, je crois. Oui. C'est lundi, tous les magasins sont fermés. Ouais. Dimanche, sont fermés. Samedi, après-midi, fermés. C'est... Les jours fériés. Oui, toujours, c'est le jour des fériés. Quand je suis venu à Rouen, j'avais une liste sur oui. mon portable pour, de choses que j'ai besoin de faire. Pour oui. l'appartement, j'ai besoin d'acheter ça. Oui. Ouvrir un bank account. Oui. Bank account. Oui, un compte bancaire. Oui. Un compte bancaire et mettre le wifi dans l'appartement et je pense parce qu'en Angleterre tu fais ça en un jour deux jours d'accord donc je pensais j'arrive sur le vendredi je fais ça sur le samedi et dimanche et lundi pour l'entraînement je suis prêt non mais après 2 mois non. c'était pas fini voilà c'est ça mais c'est bon parce que on a dit qu'en Angleterre, tu... We live to work. Oui, on vit pour travailler. On vit pour travailler, oui. Mais ici, vous travaillez pour vivre. Oui. So, tu travailles un peu, vous travaillez, mais aussi tu habites. Or, tu profites. Oui, tu profites, ouais. C'est ça, beaucoup de vacances, ouais. Tu manges bien, 2 heures pour déjeuner, oui. C'est ça. En Angleterre, c'est, tu commences dans le bureau peut-être 8 heures dans le ouais. matin, tu finis quoi, 19 heures le soir, tu travailles lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, peut-être samedi, d'accord. Repos dimanche, et tu recommences lundi. Ah oui, lundi. Je sais pas. Donc, c'est plus tranquille ici, hein, j'adore oui. ça. D'accord. Ouais, c'est bien. Et tes parents, du coup, ils ont eu cette vie-là à travailler tous les jours? Pas encore, mon... c'est un peu bizarre. Oui. J'habite à Brighton. Oui. Et ma mère, elle a arrêté maintenant. Oui. Le travail. Retired. Oui. Retraité. Retraité. Mais mon père, ma mère, mon père, il travaille. Il a juste fini, mais il a travaillé. Il a travaillé. Oui, il travaille. Il a travaillé. Il a travaillé. Oui. En Afghanistan. D'accord. Pour 7 ans. Ok. Donc, elle a commencé quand j'avais 14 ans. Oui. Et elle a fini saison dernière. D'accord. C'était un peu bizarre, mais. Oui. Et elle adore le rugby, donc pour lui, pour retourner en Angleterre, c'est bon parce qu'elle oui. regarde, elle peut venir en France, elle peut regarder tout le match, elle a regardé le match sur la télé. Oui. C'est gentil pour lui, mais. Oui, j'habite à Brighton en Angleterre. Oui. Mon frère, elle joue dans la deuxième division pour Rotherham. D'accord. Mais elle a juste signé pour Hartbury. Pour l'année prochaine? Pour l'année prochaine. C'est quoi le nom? J'ai pas compris. Hartbury. Non. C'est comme. C'est la deuxième division. Oui. Ils sont dans le milieu de classement. D'accord. Mais aussi, c'est. Ça s'appelle un feeder. C'est un club qui donne beaucoup de joueurs à Gloucester. D'accord. Parce que c'est juste à côté de Gloucester. Ok. Et on se fait l'entraînement ensemble des fois. C'est un bel club. Donc, il espère intégrer Gloucester. Ouais, oui, c'est un objectif. Oui, c'est un oui. objectif. Mais okay. Il veut. Maintenant, il a vu que j'adore France. Mm. Le rugby ici, c'est énorme. Oui. Et il veut jouer ici encore. Donc, ah, oui, je comprends. Peut-être il essaie de jouer ici l'année prochaine. Et c'est grand frère ou petit frère? Grand frère. Ok. Il a 26 ans. D'accord. Ouais. Et moi, je pense un truc par rapport à toi et même par rapport un peu à tous les Anglais que j'ai côtoyés ici. Je trouve que vous êtes très confiants. Vous avez ouais. la confiance. Oui, on a parlé confiance. De ça dans la leçon ouais. La semaine dernière parce que on trouve que tu me demandes si j'avais une surprise quand j'arrive en français. On sait une petite surprise, c'est pas grave, mais en Angleterre, chaque match c'est juste un match. Je crois que si c'est à l'extérieur, ou si c'est chez nous, si tu joues n'importe où, c'est juste, il y a deux poteaux, oui. le terrain, le tribune, c'est juste un terrain de rugby. Okay. Donc, si peut-être tu gagnais chez nous, mais aussi tu gagnais à l'extérieur, oui. c'est pas différent, c'est d'accord. juste un terrain de rugby. Mais ici, je crois que, moi, j'ai trouvé que oui. le match à l'extérieur, c'est très différent. Mm. Mais je comprends pas ça. Je crois, ouais. Mais les Anglais, peut-être, nous sommes plus confiants. Mais en tant que personne, moi, je trouve même. Ouais, c'est. Du coup, ça se retranscrit quand vous jouez au rugby. Ouais. Mais en tant que personne, j'ai pas l'impression que vous doutez beaucoup, quoi. Non, ça c'est juste, je sais pas pourquoi. C'est culturel, peut-être. Ouais. Mais aussi, je pense que avant le match, si tu as le doute, oui. si tu as le doute, ça c'est. Il n'y a pas de raison pour ça. Ouais, juste. Et pour moi, juste personnellement, si on perd, oh, c'est pas grave. Tu continues avec ton vie, c'est juste rugby. Oui. Si tu, parce qu'on analyse, si je pense toute la semaine, si je rate un coup de pied, oh, tout le monde pense ça. Ça, c'est nul, je crois que. Oui. Juste. Oui, peut-être nous sommes plus confiants, mais je ne peux pas comprendre le match à l'extérieur. Oui. Ça, c'est. Ah, ouais, c'est vrai. Hein. Dans le vestiaire avant ouais. le match, chez nous, tout le monde s'en va. Ah, on va gagner, c'est normal. Mais. Et à l'extérieur tout le monde s'en a peur. C'est, ouais, c'est bizarre. Mais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est. Ouais. Mais on change à domicile. À l'extérieur, on a peur. À domicile, on est transcendé. Ouais. Non, c'est vrai que ça c'est particulier, ça a l'air d'être français, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais on a, tu te rappelles, le début, oh non, c'était juste après Noël, ouais. on a écrit sur le tableau les objectifs, ouais. et on a dit qu'on peut gagner 4 points là, 5 points là, n'importe quoi. Mais tout le monde dit, non, ça c'est à l'extérieur, on ne peut pas gagner ça. Mm. Mais Pourquoi? Ouais, on l'a fait en plus. Et après ça, on l'a fait, ouais, exactement. Donc, c'est vrai. C'était Rovo Drome à l'extérieur, je crois. Tout le monde dit, oh, ça c'est dur, on ne peut pas gagner 5 points là. Ouais. Mais on l'a fait. C'est vrai. C'est vrai. Et ouais, mais. C'est une mentalité, hein. Ouais. C'est une mentalité. Moi, par exemple, quand j'étais petit, que je jouais à Toulon, t'as vu, à Toulon, c'est un brin de muguet dans le. Ouais, ouais, j'ai là, c'est... Ben, on avait un discours sur ça. Ouais. Le brin de muguet, il refleurit toujours au printemps. Vous avez quelque chose de plus. Ouais, vous portez ça. Ce maillot, vous avez quelque chose de plus. Ouais. Vous êtes plus fort, plus vaillant. Vaillant, c'est les mecs qui aiment le combat. Ah, d'accord. Voilà, ouais. Et ça, dans tous les clubs de France, nous, notre discours, il est sur le combat, dans tous les clubs de France, je pense. Mais aussi, ça, c'est le Fijian, le Tongon. Ouais. On a 4, 5 Fijian Tongon. Oui. Ils adorent le contact. Voilà, c'est ça. Oui. Ah ouais, ils sont, c'est des animaux. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et du coup, pourquoi t'as choisi le rugby plutôt que le foot là quand t'étais petit? Je sais pas, c'était une mauvaise décision. Mais je sais pas, je pense que la compétition pour le foot c'est incroyable. Oui. J'avais 16 ans oui. quand j'étais, je joue county. Tu non. sais, c'est quoi county? Non. C'est plus grand qu'une ville. Oui. Angleterre, c'est séparé en... Un département? Oui, c'est ça. Oui, c'est département. Little Normandie? Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Ok. Et si tu joues pour ton county, oui. ça c'est très bon. Voilà. Tu joues contre... Et après ça, peut-être tu es choisi pour l'Angleterre, oui. moins 18, okay. ou, chose comme ça. Et j'ai joué county, ouais. Département, le foot et le rugby en même temps. Ok. Mais quand j'ai joué le rugby, mm. je pensais, oh, j'ai beaucoup d'opportunités pour d'accord. jouer plus haut que ça. Oui. Et j'avais l'espoir, l'équipe d'espoir qui me dit, c'est possible de jouer avec voilà. Mais le foot, le meilleur joueur dans le département, dans le county, oui. il n'a pas d'opportunité pour ah, jouer ouais. plus haut que d'accord. ça. Parce que la compétition, c'est juste énorme. Oui. Je pense, en foot, j'ai pas d'opportunité. Mais oui, aussi. J'avais beaucoup d'opportunités, j'ai oui. pensé ça. Et aussi, je préfère le. Quoi, le. Spirit, oui, c'est ça, le spirit, c'est ça, en rugby. Oui. Le rugby man. Et c'est l'esprit d'équipe. Oui, c'est ça. Oui. Mais aussi, je déteste en fait quand. La meilleure chose que je déteste, c'est quand un joueur de football, oui. il attaque et il fait l'attaque énorme. Oui. Il passe 5 ouais, devant ouais. ça et il passe à ton ouais. ami. Et elle marque le plus facile goal mm. possible. Et elle célèbre tout ça. Oui, c'est pas vrai. Avec le mec qui ouais. a fait tout le travail pour lui. C'est vrai. Bon, ouais. Mais en rugby, on célèbre ensemble. Ouais. Ouais, c'est mieux ça. Et du coup, c'est quoi ta conception du rugby? Pourquoi t'aimes ce sport? J'ai l'impression que t'as besoin d'être libre, de tenter des choses. T'es assez créatif comme joueur. Ouais, mais aussi. Et en plus, t'as besoin de décider, j'ai l'impression. Tu joues pas 10 par hasard aussi. Ouais, mais. Bah, attends, je comprends pas exactement la question. Ma dernière phrase. I said you don't play 10 yeah. By random. You play 10 because you need to decide. Ah, ouais, c'est ça. Oui, j'adore le. Pour moi, c'est l'organisation. Oui. Ça, c'est moi, ça. J'adore ça. Et parce qu'il y a beaucoup de monde qui just attaque, joue, plaque fort. Et ça. Mais si je peux organiser les attaques, je ouais. préfère ça. Mais si ça c'est pourquoi ouais, je préfère le rugby 7 parce que j'adore l'attaque et le pied, le travail de pied oui. et les choses comme toi, ça, oui. le space et l'attaque. Et en France, on peut faire plus que ça. D'accord. Oui, mais ouais, pour moi, l'organisation, j'espère que la saison prochaine, il y a beaucoup d'options. Oui. Pense. En une stratégie avec des options. Ouais, en Angleterre, on parlait beaucoup de layers, ouais. le niveau. So d'accord. Chaque fois que tu portes le ballon, tu as un qui cute, un dans le dos, peut-être un dans l'intérieur. Et Tom Oscar, il a dit qu'à Sale, saison dernière, oui. ou la saison avant ça, il avait la stratégie que chaque fois que quelqu'un porte le ballon, un mec il a dit je coupe, ouais. et directement après, un mec a dit dans le dos, voilà. et après, inside. Ouais, et après. Pour le mec dans le dos, il y a quelqu'un qui dit je coupe pour toi, oh, ouais. et c'est layers. So okay. Il y a toujours l'option. Et j'adore ça, so j'espère qu'il y a beaucoup de oui. saison prochaine. Oui, je pense que ce sera un niveau supérieur à nous au niveau de l'organisation. Et on a ça ici. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal, mais on apprend. Mais c'est 3e division. Oui, exactement. Ah, je crois qu'aussi, en France, comme on a dit, il n'y a pas beaucoup de structure. Oui. Donc, comme Richard, il a dit, on va faire ça. Mm. Il y a plusieurs mecs qui ne comprennent pas pourquoi. Ouais. Enfin, c'est parce que, comme tu as dit, French flair, ouais. Tu just joues le play rugby. Tu joues. Donc, quand on essaie de faire. En Angleterre, la stratégie, c'est. Ouais. Le détail, c'est énorme. C'est chaque fois que tu portes le ballon, tu retournes sur les 15 mètres. Mm. Si peut-être tu es en avant, tu restes sur les 15 mètres pour tout le match. Ouais. Et tu. Juste. Courir tout droit, tu recouvres. Comme au rugby à 13. Ouais, comme c'est ça. Ouais, mais ici, je pense. Et peut-être c'est mieux. On ne ouais. prend pas ici parce qu'on juste joue. C'est quoi le l'espace, on cherche c'est l'espace. Vrai. C'est ça. Donc. C'est une conception différente. Ouais, c'est très différent. Ouais. Et pour nous, ça commence quand nous sommes. Jeune. Très jeune, ouais. Ouais. Ça commence très jeune. Avec l'exercice, tu sais, l'exercice oui. qu'on a fait whisky au pas. Oui. Tu fais ça très jeune. D'accord. Le whisky, la stratégie comme ça, les oui. exercices comme ça. Mais ici, je pense pas. Donc, du coup, whisky, c'est une combinaison qu'on a dans l'équipe. Ouais. Ouais. Oui, ouais, ça, non, c'est pas bon. Grave. Elle est pas très. Même si on l'annonce, ils sauront pas ce que c'est ouais. normalement. Non, mais c'est pour que. On jamais fait, comprenne. C'est pas bon. Non, mais ouais, whisky ou pas. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais c'est intéressant tout ce que tu dis. Mais du coup, le rugby est plus sympa, plus fun ici, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Mais pour moi, le rugby s'amuse, je suis oui. jamais stressé. Ouais. Tu peux dire ça. Et des fois, l'entraîneur besoin me dit que. Hey, c'est ouais. rien maintenant. C'est vrai. Parce que. On a payé pour jouer avec oui. le ballon. C'est mais c'est comme quand tu étais petit, que tu jouais pour t'éclater. Ouais, exactement. Voilà, toi tu gardes ça. Ouais, et comme j'ai déjà dit, si je suis stressé avant le oui. match, je joue mauvais. Oui. Donc, juste. Dans le vestiaire avant le match, quand mm. je fais le blague avec Tom, avec oui. Mathieu. Mathieu, elle est le meilleur. Oui. et c'est bon parce qu'il y a beaucoup de monde dans le vestiaire qui a besoin de concentrer voilà. et rester. So, tu laisses eux, c'est ça. Tu laisses eux. Ouais, tu les laisses. Tu les laisses. Mm. Et on peut faire l'agression, oui. le petit bagarre avec les voilà, c'est ça. Mais pour les mecs comme moi, Tom, Mathieu, on juste parlait de. Oh, qu'est-ce que tu fais sur le week-end parce que... Mais ça, c'est souvent les trois quarts aussi. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. On n'a besoin pas de, oui. de combat. C'est vrai. Ouais. Et t'as un joueur préféré au rugby C'était toujours Johnny Wilkinson. Oui. Parce que. On dit hero. Legend. Oui. Legend. Ouais. Oui, c'était toujours lui. Mais maintenant, je regarde Owen Farrell. Oui. Il est énorme. Oui. Son contrôle, il peut gagner un match tout seul s'il veut. Oui. Il est très, très, très bon joueur. Et aussi, j'adore. Tu connais le mec Sean Johnson dans le rugby 13? Non. Oh, il est très célèbre dans le rugby 13. D'accord. Son cheval à pied. C'est un anglais? Non, il est de Nouvelle-Zélande, je crois. D'accord. Il joue en NRL? NRL, ouais. Ouais. Et, il est. Il est hallucinant. Ouais. Ouais. Ah, moi, je le connais pas. Ouais. Ouais. Et t'as toujours été rapide, toi? Rapide? Ouais. Vite? Je pense pas. Je... Ouais, au moins les premiers mètres. Ouais. Oui, je pense. Parce que, comme je dis, j'ai joué beaucoup de 7. Et ouais. si tu es pas vite en. Oui. 7, très bon. Oui. Donc, oui, je pense rugby maintenant, c'est la vitesse. C'est très important. Il y a beaucoup de monde qui est très gros, ouais. mais qui peut pas bouger. Et pour moi, rugby maintenant, c'est important pour la vitesse. Oui. Après le blessé, j'avais sur le genou. Oui. Je peux notice. Oui, je peux remarquer. Et je peux remarquer que j'étais pas plus vite. Qu'avant, oui. parce que tu vois un espace, oui, moi je vois ça. Un espace, ouais. je vais dans l'espace et j'avais un plaquage offensif. plaquage offensif. Oui, mais il faut continuer avec le travail de ça. Oui. Et je trouve aussi qu'il y a une notion importante avec la vitesse, c'est la vitesse de décision. Oui, ça c'est. À ton poste, c'est encore plus important. C'est très important. Si... Parce que. Comme on a dit contre Bourg-en-Bresse, oui. on cherche le 10 dans la défense, toujours il attaque le 10. Ou quand j'ai le ballon, il y a toujours le mec qui just monte directement sur le 10, tu as besoin de trouver une décision vite fait. Direct. Mais aussi, je pense que les joueurs juste à côté peuvent m'aider. Oui. Et ça, c'est pourquoi je pense que Josh, il est un très bon 13, Josh Drani, parce qu'il me donnait beaucoup le stick, la combinaison. Ouais, il parlait beaucoup. Ouais. Avant j'ai le ballon, il a déjà me dit on va faire ça, on va faire ça. Whisky, Gabano, whisky. Ouais, whisky. Jamais whisky. Et Gabano aussi, il me dit la combinaison de toi, ça c'est. La communication est importante communication, pour vous, les trois quarts. Ouais. Ouais, c'est ça. Oui, mais même pour nous les avants, quand tu nous annonces ce qu'on doit faire, c'est bien plus simple. Ouais, plus exactement. Tu le dis tôt, plus on peut être là autour de toi. Ouais. Je vois ça. Oui. Si on joue large, je dis rien. Si les avants, je regarde comme ça. Ouais, je pense que c'est le même à chaque niveau, ça. C'est vrai. Ça, c'est les avants. Oui, c'est les avants. Rien dans la tête, là. Mm. Mais... Ouais, ça c'est pourquoi je crois que c'est important pour apprendre français, parce que si dans le match j'ai entendu un mot français mais je comprends pas, ça c'est pas bon pour l'équipe, pour le jeu. Donc j'ai apprendu le mot français pour rugby très vite, le aplat, large, ballon, juste coup de pied, parce que ça c'est très important. Oui, oui, totalement. Mais aussi je prends saison dernière pour jouer avec une prothèse dente. Oui. Ça, c'est le meilleur truc que j'ai appris en France. C'est protège-dents. Mais j'ai jamais, avant France, j'ai jamais joué avec un protège-dents. Et là, pourquoi, à part le souci que tu as eu aux dents? Dans la saison dernière, j'ai, dans un placage, j'ai perdu trois dents, j'ai cassé mon mâchoire. Mm-hmm. J'avais trois opérations de 3 heures. J'avais. Oh, ouais, terrible. C'était terrible. C'était. Et depuis, tu joues avec Maintenant, j'ai 3. Ouais. Donc, si j'ai pas du 1, j'ai 2 ans. Parce que c'était dégueulasse. J'avais, comment dire, un wire. Je sais pas. Un metal. Ouais. J'avais juste dans là. Oui. Mais j'ai maintenant encore. D'accord. Donc, en haut des dents, au-dessus des dents. Oui, en haut des dents, c'est un petit truc. Petit bout de métal. Ouais. Ah ouais. Et tu penses que tu peux t'améliorer sur quoi, toi, en tant que joueur, là? De quoi? Je comprends pas ça. Tu peux t'améliorer? Improve? Ouais. What can you improve in your way to play? Je pense pour moi, j'ai besoin de jouer plus. J'ai pas beaucoup d'expérience. Ouais. Comme toi as dit, je pense que je peux faire les décisions plus vite. Mm-hmm. Je cherche ça. Mais aussi le placage. Avant de le blesser, j'adore le placage. D'accord. Mais maintenant, je plaque un peu avec le mat, l'épaule. Parce que j'ai le peur de ça, donc il faut continuer à travailler sur le placage et le combat. Et c'est le. C'est quoi le. Continuity, le. La continuité. Oui, c'est juste continuer. Pour moi, vu que le monde dit que je prends trop de risques, je pense que c'est pas le risque, j'ai juste fait peut-être 2 bonnes passes et une mauvaise passe. Donc, pour moi, c'est juste. Faire 100%. Ouais, c'est ça, juste continuer à travailler ça. Mais je vais apprendre beaucoup l'année prochaine, je crois. Oui. Parce qu'avec plus l'entraînement, un niveau plus haut, avec les joueurs plus haut, je pense. Avec la concurrence. Ouais, c'est ça. Oui. Mais on a dit, it's a journey, c'est un voyage. Oui. Tu apprends, tu n'es jamais fini. Exactement. Tu apprends toujours. Et quand j'ai 30 ans, je ne suis pas fini encore, donc j'ai 23 ans maintenant, juste pour continuer à apprendre. Ah, c'est top. Et du coup, à 30 ans, tu te vois où? Je sais pas. Tu sais pas? Vu que le monde me demande si je veux rester en France ou retourner en Angleterre, parce que... Mais j'ai parlé avec, saison dernière, j'ai parlé avec 2-3 clubs d'Angleterre dans le premier niveau, mais j'ai déjà signé pour Nevers. Oui. Mais c'est pas grave, parce qu'en Angleterre, Si tu es le troisième 10, tu joues jamais. Et on a un système en Angleterre, le loan. Oui. Donc tu signes pour un club dans la première division, mais tu joues pour un club dans la troisième division. Oui, c'est ça. Et donc tu joues dans la troisième division d'Angleterre, c'est rien de tout. Oui. Donc pour maintenant, je veux rester en France. Mais le rêve pour moi, je crois, c'est pour jouer dans le premier niveau en Angleterre. Et le club que j'ai parlé avec me dit que si je joue bien en premier, Il garde un œil sur toi. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, c'est ça. C'est pas mal, sinon je suis content en France, j'adore. Ouais. On a. En Angleterre, il n'y a jamais de vacances. Ah oui? Jamais de vacances. D'accord. Mais ici, il y a une semaine de vacances oui. chaque. Entre les deux, chaque 5 ou 6 semaines. Oui, chaque 5 ou 6 ouais. semaines, on fait un plus. Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc, je peux. Normalement, si j'étais en France toute l'année, oui. ça c'est dur peut-être. Oui. Mais je retourne en Angleterre, j'ai vu. Oh, toute cette année, j'ai vu mes amis, oui. ma famille. Oui. Je fais la fête, et je retourne en France pour oui. le travail. Je pense que c'est un bon système ça. Ok. Donc pour moi, maintenant, je suis content en France. Oui. Mais le rêve, c'est pour plus tard. Peut-être que je suis dans la première année. Okay. Si c'est possible, oui. si c'est pas possible. Mais j'espère. Et t'as rencontré des filles en France? Je n'ai rien de ça. C'était dur la saison dernière parce oui. que je ne parlais pas français à la début. Mais cette saison, oui. Mais c'est bon. C'est pour ça que tu as voulu parler français. Mais c'est bon pour apprendre français. Si oui. tu allais à le restaurant avec un pays, tu parlais français, c'est bien. Mais j'étais surprise parce qu'à la fin de la saison dernière, oui. Je suis allé pour boire avec un bout en bois. Boire un verre. Pour boire un verre ouais. avec un fille. Et pour 2-3 heures, mm. on a parlé juste français. Wow. Et après, j'étais. Oh, c'était ouais. énorme ça. Mm. Et c'est bon, c'est important pour apprendre de langage. Oui. C'est vrai. Et j'ai le peur que si je retourne en Angleterre, j'ai oublié le français. Ah oui? Parce que je parlais beaucoup avec Owen, parce oui. qu'il retourne notre préparateur physique. Mm. Et il veut garder le français. Ouais. C'est son deuxième année en mm. France, mais elle retourne en Angleterre maintenant. Et peut-être après un an, une année, ouais, elle va oublier. Mais mm. faut continuer avec ça, je crois. Oui, oui, c'est important. C'est très important. Là. C'est vrai. Bon, toi, tu as la chance de rester là, du coup. Oui, exactement. Après, parce que j'ai signé Nevers pour 2 ans. Oui. Et je crois qu'après ça, je parlais. Très, très bien. Ouais. Parce que maintenant, je peux parler avec toi. Maintenant, oui. je sais pas le mot pour tout le petit truc. C'est quoi ça? Oui, un dictaphone, ça, un ouais, câble. Ça sonne lumière. Oui. Mais il y a. C'est dur parce que. Des fois, je pense, oh, je parlais parfait français, comme oui. maintenant quand on parlait le rugby. Mais quand je suis dans la ville et quelqu'un me dit quelque chose, ah. elle a dit quoi ça? Elle ouais. a dit quoi ça? Je... Ouais, ouais, c'est normal. Bon, c'est normal. C'est ouais. pareil, c'est un voyage là aussi. Ouais, exactement. Ouais. Mais c'est plus dur qu'anglais. Pardon. Oui. On a une langue. Ouais. Et beaucoup de monde me dit ça. Que, oui. Parce que français, c'est. Les verbes sont durs. Ouais, aussi le masculin, le féminin. Mmh. Ah oui, pour ça. Vous, c'est impossible. Il y a beaucoup. Tu dis vous, mm, toi, tu, mm, mais lui, en anglais mm, c'est you, juste ouais. pour tout le temps. Vous l'avez pas ça? On, nous. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Nous on sommes, va. On est. Voilà. Pourquoi est-ce que ça là? Je déteste ça. Ouais. Ça c'est. Ouais, ouais, c'est quoi ça? Ouais, c'est quoi ça? Ouais, c'est quoi, j'ai jamais connu comment j'ai besoin d'utiliser nous sommes, oui. on est. Ou... C'est pareil. Ouais. Mais le mec dans l'équipe parlait bien anglais, je crois. Ouais, ça va. Ben, on apprend grâce à vous aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et à ton avis, pourquoi il y a certains étrangers qui font jamais l'effort de parler français? Mais je parle même pas que des anglais, je parle. Je me dis que pour les Iliens, pour les Fidjiens, ouais. Tongiens, Samoans, c'est peut-être un peu plus dur. Ouais. Parce que. Ben, ils parlent anglais, eux, naturellement. Ouais, ouais. Oui. Mais aussi Samoan, en Tongan, en Fidjian. Oui. Ils parlent anglais. Comme PG, ils parlent Samoan et anglais. Ouais. Mais je sais pas. Pour moi, c'est. My opinion, c'est mon avis. Ouais, mon opinion, mon avis. Mon opinion, mon ouais. avis. Que c'est un bordel, ça. Ouais. Je peux dire ça. Oui, bien sûr. C'est un bordel. parce que, ouais. Comme j'ai dit. Tu sais là, si le français venait ouais. ou vient à Angleterre, il faut parler anglais. C'est tu ne peux pas parler français. Donc c'est le même ici, on a besoin. Ouais. Et c'est pas pour parler français, c'est juste pour essayer à apprendre. Oui. C'est ça. Parce que on a le cours gratuit oui. chaque semaine, mais personne vient. Juste moi ou deux autres. Oui. Tu as l'opportunité, c'est une heure chaque semaine et tu apprends bien, c'est gratuit, c'est sur les journées libres, oui. on fait rien sur les journées libres. Et ouais, c'est le character, je pense. Ouais. C'est pas bon. Mais aussi pour le match qui a signé plus qu'une année. Oui. Tu as signé 2 ans, mais tu apprends pas français. Je n'ai jamais compris. Ouais, moi aussi je comprends pas. Et moi je me dis que si je joue en Angleterre l'année prochaine, bah, je saurais déjà un peu parler anglais. Ouais, j'aurais trop envie et besoin de parler avec tous les joueurs. Ouais, même je vais m'acheter le pain, ouais. Je vais faire les courses. Ouais. J'ai pas envie de sortir ma carte bleue, tu vois. J'ai envie de comprendre. Exactement. £33, ok. Ouais. Tu vois. Mais aussi après le career, si quelqu'un a dit ouais. Oh, tu habites en France. Oui. Tu dis oui. Oh, tu parles français. Nope. Ouais, c'est vrai. C'est, pas ça, c'est vrai. Mais c'est bon parce qu'on a vu toute la ville en France, oui. Beaucoup de villes, saison dernière, cette saison, on a joué contre l'équipe de France. C'est vrai. Et on a vu Lyon et Toulouse. Juste Biarritz, Toulouse, Nîmes. Toutes les villes, Nîmes, Strasbourg. Mmh. Bah, ça, c'est très bien parce que il n'y a pas beaucoup de travail que tu peux faire quand tu regardes toute une ville, un pays. C'est ça, ouais. Mais on a vu presque tout France. C'est vrai, hein. C'est bon, c'est ça. C'est top. Ouais, c'est top. Et pourtant, quand on descend dans le sud, il pleut à chaque fois. C'est ça. Parce que quand je suis venu en France, je pense que le soleil toujours. Ouais. Et en Normandie, c'est nul. Ouais. Mais chaque fois qu'on a visité le sud, tout le monde me dit « Oh, ça sert à 30 degrés, ouais. Le soleil, il fait beau. » Et il pleut tout le temps. Tout le temps. C'est terrible. Et bon, tu dis qu'on a beaucoup de temps libre, mais je crois savoir que tu as fait quelques études par correspondance. Ouais, ouais, j'ai déjà fait mes études à l'université de Bath. Oui. Et maintenant, j'ai fait un master's dans la psychologie du sport. D'accord. Je pense que c'est important pour deux raisons. Je crois que on a beaucoup de temps libre et on fait rien de tout. On va dans la ville pour un café, on regarde les séries, c'est rien. So, après un entraînement, c'est bon pour juste faire quelque chose. Oui. Mais aussi, après notre carrière, on n'a pas de travail, on n'a rien à faire. Et j'ai vu beaucoup de mes amis qui ont fini le rugby et ont dit que, oh, qu'est-ce que je vais faire maintenant. Donc c'est important pour préparer bien maintenant. Et il y a beaucoup de monde dans l'équipe qui fait quelque chose. Oui. À la côté du rugby, je pense. C'est important, je pense. Et je pense que c'est important aussi parce que quand on fait le voyage pour un match à l'extérieur, si on est sur le bus, on pense au rugby, oh, qu'est-ce qu'on va faire dans le match, la stratégie. Mm. Mais si je fais mes études, le voyage c'est facile et je pense pas au rugby. Voilà. Et je suis plus frais pour le match, je crois. Ok. Donc, ah, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant ça. Ouais, pour préparer bien pour après le career. Oui. Du coup, tu as vécu en colocation là ici. Tu connaissais Dave avant de venir. Ils vont venir pourquoi? Non, tu connaissais Dave avant de venir en France. Avant. Ah non, non, non. Non, non, j'ai entendu beaucoup de lui parce que le rugby en Angleterre c'est très petit. Tout le monde connaît tout le monde. Okay. Je connais Joe Elliott qui était ici saison dernière et Dave le connaît lui. Okay. Donc, oui, non, on avait une bonne année saison dernière mais on habitait tout seul. Ah, d'accord. Mais après, on a dit que. Cette année, vous avez décidé. Oui, exactement. Ah, ok. Et c'est très sympa. C'est, ouais. On joue toujours le jeu fou. Oui. On fait, oui, c'est bien. Mais il reste saison prochaine, donc c'est mon dernier jeu ici. Oui. C'est dommage, mais on va continuer avec. On a déjà parlé de 2 vacances après la saison prochaine. Donc. C'est bon parce qu'à Rouen, j'ai rencontré beaucoup de bons mecs qui j'espère que je continue à parler avec. Okay. J'espère que je joue avec pour le futur. Oui, ce serait génial. Il y a beaucoup de bons joueurs ici, beaucoup de bons mecs. Mm. Donc, ouais, c'est ça. Et ton meilleur souvenir ici? Le dernier jour de tes 2 ans. Le meilleur jour pour moi, c'était quand on avait gagné la finale de Jean Prats l'année dernière. C'était le 3 jours parce qu'on avait un hôtel juste à côté le lac de Nantua. Ouais. Et c'est le meilleur lac dans le monde. So, on avait fait 2 jours là, juste pour tranquille, dans le lac. Avant le match. Oui, avant le match. Et il y avait le soleil, c'était beau. Mm. on avait fait le match, on avait gagné, c'était énorme, avec tous les supporters sur la télé, c'était énorme. Et après, on a bu tout le soir. On était dans le lac après, à 7h dans le matin. Et après, on était directement sur le bus. Mm. On a bu tout le bus. Et après, on était dans le boîte de nuit après ça. Oh, d'accord. Et après ça, c'était Mad Monday. Mm. Tout le monde dans le déguisement. Et c'était un parfait fin de la saison. Ah ouais. C'est vrai. Mais j'ai beaucoup de bons souvenirs. C'est un très bon 12 ans. Oui. Ouais, mais ça c'était énorme ça. Ah ouais, j'imagine. Ouais. Mais aussi le final cette saison, on a perdu, on a joué mauvais, mais c'était une bonne expérience. Oui. Le phase finale cette saison, c'était énorme. Ouais, ouais. Beaucoup de spectateurs. C'est vrai. Borg, ils étaient une très bonne équipe. Oui. Deux matchs difficiles. Ouais, même Albi s'est passé tout juste. Oui, Albi c'était dur. Le match Albi à l'extérieur, c'est quand l'arbitre la siffle pour la fin de le match. C'était absolument mort. C'était un bon gagnant. Ouais, c'était un match énorme. Mais c'est un classement difficile cette saison. C'était beaucoup de bons clubs. C'était jamais un match. Je pense que le match qu'on avait gagné le plus facilement, c'était Aubenas à l'extérieur. Mm. Mais encore, c'était un match difficile. Oui. Tout le match cette saison difficile. Non, c'était un beau championnat. D'après, c'était génial. C'est dommage. Pour moi, je ne sais pas beaucoup de la fédération de France ou quoi. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de pool élite l'année prochaine. Parce que. Ouais, mais je t'ai dit, il y a trop de clubs qui ont triché pour ça. Ouais, c'est ça. Soit ils n'ont pas d'argent. Enfin, ils trichent quoi. Ouais. Ils trichent avec l'argent, donc c'est pas possible. Ouais. Parce qu'au final, s'ils font un championnat à 10, 11 ou 12 clubs et qu'il n'y en a que 5 qui peuvent monter, c'est pas. Merci. Même pour la télé, c'est pas top. Ouais. Pour les joueurs, c'est nul. Ouais. Mais tu sais, les Anglais, les clubs, on comprend pas ça. En Angleterre, il y a la structure, il y a le club, et tu peux monter seulement si tu mérites ça avec le rugby. Ouais, voilà. Et tu descends. Si tu descends. Oui. Si... Ah, parce qu'en fait, avant en France, il y a des clubs qui sont montés. Ouais. Il y a des clubs qui sont montés de Fédéraline à Pro D2. Et après, ils sont morts. Maintenant, ils n'existent plus. Parce qu'ils n'ont pas prêt. Voilà, pas prêt. Ouais. Pas prêt avec le stade. Pas prêt avec les équipes de jeunes. Pas prêt avec l'argent. Ouais. Du coup, ils ont acheté beaucoup de joueurs, mais payé trop cher. Et à la fin, souffle. Le club, il passe de Pro D2 à Fédéral 2, Fédéral 3. Ouais. Donc ils veulent plus tout ça. Mais on a... Parce que quand j'ai signé à Rouen, Richard, on nous dit, moi et Dave, qu'on est prêt pour Pro League 2, on peut gagner Federal 1, on y va direct à Pro League 2, Et deux jours avant pre-season, on avait l'email et c'est dit que... Pas pour l'élite. Ouais, nous sommes pas dans la poule élite. Et on pensait que c'est pas possible. Ouais. Deux jours avant, pre-season. Et j'ai entendu qu'il était une équipe. Je ne sais pas qui, mais Luc m'a dit qu'il y a 12 ans, 3 ans, il était une équipe qui a gagné Federal 1, Lille, et en montant pour les deux, mais la Federation dit non, ciao. Et une VR, une Federal 3. Maintenant, c'est fini. Mais c'est parce qu'ils manquaient de l'argent. Ouais, c'est ça. Ils ont triché. Ils disent on a 4 millions, mais en fait, ils avaient 3 millions. C'est bizarre. Donc, ils devaient trouver 1 million d'euros. Parce que c'est on ne peut pas comprendre ça, parce qu'en Angleterre, il y a l'équipe. Si tu descends, c'est parce que tu as fini dernier. Si tu montes, c'est parce que tu as fini top. Ou tu as gagné le play. Non, il n'y a pas... Enfin, oui, nous, normalement, c'est ça. C'est... Mais tu me dis, qu'est-ce que j'ai à apprendre en France? Ouais, c'est ça. C'est... Nothing is certain. Rien c'est sûr. Rien n'est sûr, ouais. Ouais. Ah ouais. Tu penses quelque chose, c'est sûr. C'est énorme, ça. Ouais, tu penses quelque chose, c'est sûr. Et après deux jours, quelqu'un a dit, oh non, c'est fini ça, c'est parfait ça. Tu penses, comment? Ah ouais, c'est énorme ça ce que tu dis. On avait les joueurs qui apparaissent dans la nuit, saison dernière, pour notre club. Ouais. Énorme, oui. Je peux pas dire, mais... En septembre, quoi. Ouais, en pré-season. Ouais. On avait les joueurs qui après la saison, qui apparaissent, qui a signé à Rouen, mais qui apparaissent. Juste ciao. Nothing. Ah oui, c'est vrai. Rien est sûr. Ah ouais, c'est énorme. C'est vrai. Et ça, en Angleterre, c'est inimaginable. Ouais, on a dit que... On était 7e dans le classement quand on était déjà dans le playoff. Ouais, c'est vrai. Neuvième dans la combinaison. Ouais. Et, oh, vous êtes dans le playoff déjà. Merci. C'est énorme. C'est vrai que c'est incroyable. Et quand tous les Anglais, on a dit la même chose, que quand tu arrives, ou quand vous arrivez en France, tu ne comprends pas, tu penses, et c'est te stresser un peu. Tu penses, c'est quoi ça? Bon, mais après, tu rigoles. C'est un blague, man. Oui. Quand on a dit France, tu vois, on avait un email et c'est dit que quelque chose se change, oui. On a dit France. Ouais, je vois. C'est c'est pas mal ça. Ouais, c'est énorme. C'est pas mal. Et s'il n'y avait pas eu le rugby dans ta vie, tu aurais fait quoi? Je sais pas. Bien sûr, je joue au sport. Ouais. Je sais pas quel sport, mais j'adore le sport. J'ai okay. trop d'énergie. Okay. Je fais quelque chose toujours. Mes études. Mais je sais pas, c'est depuis 4-11, oui. C'est, rugby c'était mon vie. C'est vrai que c'est dur. Toujours, oui, exactement. Mais faut préparer bien pour après, mais maintenant c'est juste toujours le rugby. Putain, je joue la guitare, putain, ouais. Rockstar. Et cheer. Voilà, ouais, il est fort, lui. Ouais. Mais et bah, du coup, je voulais te demander aussi, je t'avais demandé de préparer un petit truc. Ton 15 de légende, ouais. Les 15 joueurs fantastiques avec qui tu as joué dans ta carrière, donc j'imagine qu'il y aura pas mal d'anglais, mais ça sera cool quand même de savoir ouais. Pourquoi tu l'as déjà choisi. Il y a beaucoup dans l'équipe qui j'ai joué avec, qui j'ai joué rugby 7 avec, oui. Mais qui joue 15. Qui, ok. Il y en a beaucoup. J'ai joué avec beaucoup de joueurs qui. Je pense si je peux jouer avec maintenant, oui. C'est un fort. Ouais. Ouais, je vois. Le premier, le pilier, c'est mon ami Greg Palmer, ouais. De l'Université de Bath, et il a joué avec Bath, l'équipe première. Ok. Et il était fort, il était costaud, mais aussi pour lui, la plus importante chose, il a compris le rugby. Là, parce qu'il a beaucoup de pilier qui oui. Juste fait le mêlée et peut-être porte le ballon deux ou trois fois, mais il a compris. Il peut jouer 10, je crois. D'accord. Il est bien avec la main, il est très bon joueur. Ok, il joue toujours à basse là? Non, il arrête maintenant. Ah oui? Il arrête, il avait le blessé. Il avait une bonne opportunité. Il travaille pour une entreprise en Brighton. Ok. Juste à côté où j'habite. Oui, chez moi. Oui, il a fini maintenant. Ok. Si il a continué, je crois qu'il joue dans le premier niveau. Maintenant. Ok. Le deuxième, c'est mon ami. Talonneur. Ouais. C'est toi? Non. Mais je peux pas dire toi. C'est mon ami Tom Doughty. Oui. Et il joue pour. Bon, maintenant, il était avec l'Académie d'Angleterre 7. Ouais. Mais aussi avec l'Académie de Bath. C'est un contrat ensemble. D'accord. Mais je pense qu'il va choisir le 7, je crois. Ah, là, il doit choisir maintenant? Il n'a pas choisi encore. D'accord. Il est avec le 2. Ok. Parce que c'est la fin de la saison juste maintenant. But he has to choose. Et il a besoin de choisir. Ouais, ouais. Pas cette saison, je crois qu'il va jouer avec la A-League, l'Espoir, avec Bath, okay. Et un peu avec Angleterre 7 aussi. C'est... Donc lui, il a le même âge que toi, 23, 24 ans? Non, plus jeune, il a 21. D'accord. Peut-être 20, 21. Ouais. Le troisième, le pilier, c'est Yann, je crois. Parce que dans le mêlée, il est très fort. Il joue à Rouen. Ouais, il joue à Gloucester et il nous a rejoint cette année. Ouais, et il retourne à Bristol cette saison. Il va jouer dans le premier niveau. Très bon joueur. Oui, oui. Le deuxième ligne, il faut dire Dave. J'ai besoin de dire Dave parce que j'habite avec lui. Mais aussi que je pense qu'il n'avait pas beaucoup d'opportunité cette année parce qu'on ne peut pas jouer avec plus que 6 étrangers dans l'équipe. Oui. Mais il comprend le rugby là. J'ai entendu lui dans le. Terrain d'entraînement, il est toujours, il cherche la stratégie, il parle beaucoup, il connaît le rugby là. Oui. L'autre c'est Will Britton qui joue, il est le capitaine maintenant de l'Angleterre Université. D'accord. Il est jeune, mais quand j'ai joué avec lui il y a 3 ans, ouais. Il y a 2 ans, et il avait juste 18 ans. Ah oui, d'accord. Et il était prêt déjà pour jouer plus loin que ça. La troisième ligne, la première, c'est Freddie Clark qui joue pour Gloucester. Ok. Dans le premier niveau, j'ai joué avec lui à Bath et Angleterre, le 7 et le 15. D'accord. Étudiant. Et Il est énorme. Il joue beaucoup dans le Premiership maintenant. Oui. Mais on va voir lui plus haut que ça. Je okay. Il est énorme. Mais il est partout. Partout, c'est quoi ça? Everywhere on the field. Ouais, ouais. Il joue 8, 7, 6. Son skills avec la main est énorme. Plus que moi. Mais ah, il ouais. Toutes les skills, on comprend le rugby, il est très bon jeu. Aussi, un mec, Latu Fatafehi. Il est le Strasbourg 8. Oui. Et j'ai joué avec lui. Il est un peu vieux maintenant. Oui. J'ai joué avec lui il y a 3 ans. Oui. Et j'ai joué dans le Rome Sevens. D'accord. Et il était une défense. Ah oui, d'accord. Il a joué dans la Coupe du Monde pour Tonga. Ok. À 15. À 7 ou à 15. À 15. Oui. Mais il a joué 12. Ouais, ouais. Et maintenant, il joue 8. Et juste après, j'ai joué avec lui. Il a joué dans la Coupe du Monde. Et okay. Il était différent. Différent que lui. Il était. Ah ouais. Il était le seul monde passant dans le tournoi. On avait le Sud-Africain, on avait beaucoup de bonnes équipes, ouais. Mais il était différent, il était énorme. Okay. Et aussi dans la troisième ligne, Joe Elliott, qui ouais. Était ici la saison dernière, juste énorme. Okay. Son travail, il travaille juste toutes les 80 minutes, il fait tout le travail pour... C'était comme on avait 3 joueurs plus oui. Sur le terrain, juste énorme. D'accord. À 9, c'était difficile pour moi parce que cette saison, on a beaucoup de très bons 9. On a Martin, Richard Bowe et Bastien oui. Qui est. Il n'y a pas beaucoup de différence, je crois. D'accord, oui, je suis d'accord. Hein. Comme Richard, il a dit qu'il a choisi un 9, c'est jamais un problème parce que ils sont tous un peu différents, mais ils sont tous très bien. Oui. Mais j'ai joué avec. Un mec qui joue dans la deuxième division de l'Angleterre, il joue pour Doncaster. D'accord. Et il s'appelle TJ. Et j'ai joué avec lui dans le 7 de Coupe du Monde. Et il est. Il peut faire tout, je crois. D'accord. Il a un buteur, il a un passe. Parfait. Parfait. Ouais. Il plaque fort, il organise bien, il est un bon mec. Donc, ouais. J'ai choisi lui. Je ok. À 10. Moi, j'ai deux amis qui est très très fort. Sam Katz, tu connais lui? Il joue à Massy. Ah oui, mais non, tu me l'as dit. Mais pas, ouais, mais pas oui. L'année prochaine. Je ne sais pas où il joue l'année prochaine. Pas. Mais il est un bon ami de moi et il est très très fort. Il joue 15 aussi. Et aussi Adam Hastings, il joue. Pour l'équipe de Écosse, peut-être Juan Van, okay. Juan Van et Edinburgh, Nantes ou Glasgow. Je confuse les deux, okay. Edinburgh ou Glasgow. Mais elle a joué dans la Premier Division pour Bath à 20 ans. D'accord. Et elle est très fort aussi, l'Écosse. Donc il jouait au même poste que toi. Oui, c'est ça. Okay. Et j'ai joué avec lui à Bath et elle était énorme. Okay. Plus jeune et plus bien. Okay. Plus fort. Plus fort, c'est ouais. Ça. 11, mon frère. Oui. C'est pas juste parce qu'il est mon frère. Il est incroyable, tu peux voir la vidéo. Oui. Il avait pas beaucoup de chance. Quand il était jeune, il était avec l'Angleterre 7. Mm-hmm. Il a joué pour Cardiff. Quand il était à l'Université en Galway. Ouais. mais maintenant, il joue dans la deuxième division. Mais il est très costaud, très fort. Oui, je l'ai il vu. Est, ouais, il est énorme. Et il gagne sa vie, lui, là-bas ou pas? Il gagne de l'argent à jouer au rugby? Non, pas beaucoup. C'est, ouais. Il n'y a pas beaucoup d'argent dans le deuxième division en Angleterre. Ok. 12, j'ai joué avec un mec, Randa Kamea, qui joue en Pro League 2. Il joue pour Colombien, mais il a joué pour Bourgoin beaucoup. D'accord. Et j'ai joué le 7 avec lui. Ah oui, je connais, ouais. Tu connais lui? Ouais, le nom de famille, je connais. Il est juste très costaud, il est direct, il est fort. À 13, j'ai choisi Josh. Oui. Parce qu'il est énorme. C'est Josh Drowning. Il a joué dans le Premiership pour beaucoup. Beaucoup de matchs dans le Premiership et il est juste très fort. Oui. C'est la fin de son carrière maintenant, mais il est très fort maintenant. Et dans le Premiership, il est énorme. Sur le L, Gavin. Big Gavin. J'ai jamais vu quelqu'un qui a 3 défenseurs sur lui, une ligne de touche. Mais il franchit la ligne. Ouais. Je comprends pas. Il est spectaculaire. Ouais, c'est ouf. Il est énorme. Mm. Et tu le trouvais fort, lui, quand il était là au début, l'année dernière, qu'il jouait pas forcément en première. Gabin. Au début, il jouait en B, il me semble. Ouais, c'était, et là, c'était avec le B, mais je joue. Parce qu'en entraînement, tu peux voir comment quelqu'un joue. Oui. Parce qu'on fait les skills, le pass, les strategies. On fait pas de combat, pas de claquage. Ouais, mais après le premier match, il a joué avec le A, je pensais, oh, il est fort. Mm. Et saison dernière, il marquait, quoi, 24 essais ou quelque chose. 5 dans le match. Cette saison, il avait beaucoup d'exemples que l'adversaire fait le coup d'envoi, il trappe le ballon avec 5 avant, juste à côté de lui, mais il fonce là et il cherche la ligne de 5 ans. Il est fort. Cairns, Mike Haley, il joue pour, tu sais, là, England Saxons. Oui, c'est l'équipe 2 un peu. Oui, c'est l'équipe 2. Il joue là et il joue pour Sale dans la Premiership. Et elle est le même âge que moi, mais elle a déjà joué 150 matchs dans le Premiership. D'accord. Elle est énorme. J'ai joué le 7 avec lui. Pour moi, elle est juste très calme. D'accord. C'est toujours juste calme. Quand il attrape le ballon, coup de pied, quand elle attaque la ligne, juste calme. Toujours. Un numéro 15 calme. C'est c'est jamais bon. La pression. Ouais, juste tranquille. Et toi, quand tu butes, t'es calme? Toujours. Ouais, tranquille. Ouais, mais parce que je pense pour le but, c'est important. Je fais exactement la même chose dans l'entraînement, exactement la même routine, c'est process. Ça. Si je fais ça, je suis bon. Ok. Parce que contre Bourgogne Brest, c'est le week-end. Juste derrière moi, j'avais. Roast beef! Oh, tu parles anglais, tu connard! Da da da! T'es pas français! Ouais, c'était énorme, j'adore ça. Mais c'était plus dur. Dans le premier mi-temps, j'avais deux pénalités. Et j'ai entendu beaucoup de choses dans le tribune, mais c'est long. Oui. Mais dans le deuxième mi-temps, j'avais la transformation juste sur la ligne de touche. Et le public était like, peut-être un mètre juste derrière moi. Mais c'est marrant ça. Ouais. Mais si tu rates, c'est pas grave. Oui. C'est pas grave. Tu apprends. Mais aussi, on fait beaucoup d'entraînement dans la semaine, c'est si tu as fait tout ce que tu peux faire. Ouais. Si tu as fait tout ce que tu peux faire, pourquoi tu as la peur pour le week-end? Si vous préparez bien, ouais. Ah ouais, il n'y a pas de raison. Pas de raison. Bon, mais merci Zach. De rien. Franchement, c'était énorme. Je suis trop content. Merci ma poule. C'est très gentil. Enjoy. Et du coup, s'il y a des gens qui veulent te suivre sur un réseau social, Facebook, Instagram, ouais, bien sûr. Sans souci. Et si, parce que tu vas grandir le podcast, avec plus le soutien, plus le supporter, j'ai des amis en Angleterre qui peuvent faire premier niveau, deuxième niveau. Ah ouais, volontiers. Ouais. Mais il faut parler anglais. Waouh, pendant. Tu peux traduire. Oui, je pense faire un ou deux trucs en anglais. Ouais. Je vais notamment voir un ami en Afrique du Sud, là, j'y vais cet été. Il était venu à Montpellier en jeune, il avait 20 ans, il avait essayé de sortir en France. Ah ouais. Maintenant, il joue au Cheetahs. Ah ouais. Et il a signé pour les Ospreys l'année prochaine. Ah d'accord. Et non. Donc lui, je vais parler en anglais avec lui, ça sera sympa. D'accord. Et c'est bon pour toi. Oui, bien sûr. Totalement. Je suis content. C'est bien. Bon, mais merci ma poule. Ça sound good? Ouais, franchement, je pense. Oula, je vais parler un peu fort, mais non, je pense que ça va. Alors, stop. Ah oui, j'appuie sur on.